Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Précieux auditeurs, 8 jours, et nous allons vivre cet événement tout à fait exceptionnel dans 8 jours, le 16 août. Plusieurs millions de personnes seront réunies sur un terrain, et parce que c'est la troisième fois que nous nous réunissons à cet endroit, ce terrain s'appelle Menengai 3, Anakuru, au Kenya. Il y aura ce 16 août, et non seulement le 16 août, le 17 et le 18 aussi, il y aura un énorme service de guérison. Un tsunami qui va bouleverser toute la terre. Parce que les gens viennent de tous les coins du monde, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud. Un grand groupe vient de Chine. Et ces gens d'Asie, quelquefois, vendent leur voiture. Ils choisissent de vendre quelque chose qui leur appartient pour avoir ce grand privilège de participer à ces 3 jours de service de guérison. Il y aura même un 4e jour. Ce sera une conférence pour les pasteurs. D'autres personnes viennent d'Europe, du Canada, d'Amérique, du Nord, du Sud. Vous qui écoutez, prenez une décision. Bien sûr, vous avez peu de temps, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce voyage pour vous aussi participer à ce privilège extraordinaire où Dieu lui-même nous visite, où nous sommes sûrs de pouvoir voir quelques infirmes qui sont au sol, qui se traînent par terre, tout à coup marcher, ce qui s'est passé si souvent ici. Et des aveugles même nés qui voient, et des sourds qui entendent, et des tumeurs cancéreuses qui disparaissent, et même des créations comme cette personne qui n'avait plus d'utérus. Un chirurgien avait dû le lui enlever dans une opération. Elle a pu avoir un bébé. Nous avons vu ce bébé dans ses bras, et les docteurs qui ont fait une radio ont vu qu'elle a un nouvel utérus. Cette personne à qui on avait dit « Vous pourrez adopter si vous voulez un enfant ». Mais le Seigneur lui a donné un enfant. Il a créé un nouvel utérus pour elle. Et tellement, tellement de miracles, tellement d'infirmes qui se mettent à marcher, d'aveugles qui se mettent à voir, des sourds qui se mettent à entendre, et même les dérangés mentaux. Tout à coup, ils laissent leur bagage de détritus. Ils se lavent. On les trouve maintenant correctement vêtus et maintenant ils sont devenus normaux. L'un d'entre eux prêche l'évangile. Il va de village en village parler de son expérience. Parce que si autour de vous, maintenant on n'est plus étonné de voir un miracle. Un miracle. Mais ici c'est différent. Nous avons affaire aux messagers de Dieu qui ont été envoyé directement par le Dieu Tout-Puissant. La Bible parle d'eux. Dans les derniers versets de l'Ancien Testament, il est parlé de Moïse et Dieu promet qu'il enverra Élie. Ce sont Moïse et Élie qui reviennent sur terre, qui sont revenus sur terre. Même l'an dernier, nous pouvions les voir descendre des cieux. Voilà ce que Dieu nous montre ici au Kenya. Peut-être que vous trouvez ça invraisemblable, mais toute la Bible est invraisemblable. Regardez déjà la création, c'est quelque chose d'invraisemblable. Peut-être que chez vous, rien ne se passe, mais ici, beaucoup se passe. Même des signes dans le ciel. Et surtout, nous avons la parole de Dieu qui nous dirige, parce que si nous parlons de l'enlèvement de l'Église, c'est parce que Il en est parlé dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17. Je vous relis encore. C'est 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Je vous le lis dans une version que vous ne connaissez peut-être pas très bien. C'est la version Darby. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et 17, puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà notre espérance. Mais nous savons que cette espérance n'est pas vaine. Si Dieu nous le promet, si Dieu nous parle d'une église qui sera enlevée, eh bien, ça veut dire que cette chose arrivera. Ce que la Bible dit arrive. Et nous nous préparons pour ce jour. Et ces miracles extraordinaires, cette présence de Dieu parmi nous, c'est pour nous préparer. Ces deux prophètes, dont il est parlé à la fin de l'Ancien Testament, je vous lis là où il en est parlé, dans le dernier livre, c'est-à-dire Malachie. Malachie, chapitre 4, verset 4. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandais en Horeb pour tout Israël, et des statuts et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. » Quand il est parlé ici du grand et terrible jour de l'Éternel, il s'agit de ce jour où le Seigneur vient chercher son Église. ce jour irréversible, ou bien nous serons pris, ou bien nous resterons si nous ne sommes pas choisis par le Seigneur. Et cet Élie qui est parmi nous maintenant a été envoyé spécialement par le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, « Va et dis-leur que le Seigneur revient. » Et depuis 15 ans, sans arrêt, il nous répète de nous repentir, de laisser le péché, de nous détourner du mal, de la méchanceté, et de marcher dans la droiture et la sanctification. Voilà l'exhortation que nous avons à chaque fois que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, Élie qui est revenu parmi nous, chaque fois il nous exhorte à revenir à Dieu, à venir au Seigneur Jésus, parce qu'il est, le seul chemin qui conduit au royaume de Dieu. Il nous dit même les autres religions, tout à fait inutiles. Le royaume de Dieu est pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Il est lui-même la porte, le chemin étroit. Pour les cieux, il est la porte. Repentons-nous et venons à ce Seigneur merveilleux, ce Seigneur vivant qui nous aime, qui nous veut pour lui. Alors, si vous désirez voir un miracle, mais l'important, c'est que chacun de nous soit prêt pour ce jour du retour du Seigneur, pour qu'il puisse venir nous enlever. Mais là, peut-être que quelque chose va changer complètement dans votre vie si vous prenez cette ferme décision, tout comme les rois mages. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont choisi de venir adorer. Adorer, qui ont-ils adoré? Ils cherchaient le roi des Juifs. Ils savaient que ça ne serait pas leur roi, mais ils ont fait ce grand voyage. Ils n'avaient pas d'avion pour le faire. Ils n'avaient peut-être même pas des chevaux et des chars. Certainement qu'ils sont venus en dos de chameau, mais ils ont vu l'étoile et ils ont choisi de venir. De même, vous aussi, vous entendez ce message ici? Venir à Nairobi, venir au Kenya pour voir, pour entendre ces messagers de Dieu, ces messagers célestes. Les mages, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un petit bébé? Si vous faites le voyage jusqu'à Nairobi, c'est plus qu'un petit bébé que vous allez trouver. C'est la présence du Dieu vivant. C'est les miracles qu'il va faire. C'est un enseignement qui vient directement des cieux. Vous ne l'avez pas dans les autres églises. Vos pasteurs ne se tiennent pas devant le Seigneur de toute la terre. Ils n'ont pas reçu des feuilles de l'arbre de vie. Dieu ne leur parle pas directement par voix. Et on ne vous demandera pas d'argent. Tout est gratuit. Il n'y a pas d'entrée à payer. Les guérisons sont gratuites. Ce que vous avez à payer est votre billet d'avion et votre hôtel. Et cette merveilleuse visitation de Dieu, vous ne la trouvez nulle part ailleurs. Il nous visite gratuitement, notre Père Céleste. Venez, venez à ce Seigneur merveilleux. Il veut vous recevoir. Et là, si vous faites ce voyage, ça vous aidera à croire mieux, à connaître mieux le Seigneur, à vous approcher mieux de lui, à voir combien il est grand, guérir tant de malades. Et cette année, ce sera parce que chaque fois qu'il y a un nouveau rassemblement, c'est toujours beaucoup plus béni que la fois précédente. Et cette fois, ce sera un tsunami. Le Dieu Tout-Puissant a promis un tsunami et c'est lui qui a décidé de ce jour-là. C'est lui qui a décidé de cette réunion très grande, de ce rassemblement où vous aussi, vous pouvez venir. Vous pouvez tout laisser et venir, même si vous avez à vendre des propriétés. Peut-être que c'est votre éternité qui se joue là. Et ce serait bien que vous restiez à la maison, que vous veniez, que vous choisissiez le Seigneur, que vous choisissiez de vivre dans la droiture et la sainteté. Pour que le Seigneur puisse vous bénir, pour que le Seigneur puisse vous prendre quand il vient chercher son Église. Parce qu'il vient chercher son Église. Et c'est bientôt là quand vous voyez ce qui se passe avec Israël, ce qui se passe autour de vous, on voit que nous vivons la fin des temps. Le temps est passé maintenant. Le Seigneur va revenir. Son retour est proche. Il peut arriver d'un moment à l'autre. Alors, si comme les rois mages, vous avez vu l'étoile, si vous vous mettez dans la peau des rois mages, imaginez-vous, ils disent « on a vu l'étoile du roi des Juifs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne savons même pas. Mais ils doivent marcher par la foi, parce que cette étoile, hein, ils savaient, eux savaient, personne à Jérusalem ne le savait. C'est eux qui sont venus l'annoncer au roi. Voyez ces mages, ils ont vu l'étoile du roi des Juifs. Et ils disent « où est le roi des Juifs ?» Ils ne savaient pas, ils ont suivi une étoile. Ils arrivent, c'est dit ici, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ?» Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Maintenant, bien sûr, Dieu va se révéler parmi nous. Et si vous voulez rendre hommage au Dieu vivant, vous pouvez aussi le faire chez vous. Mais là, puisque quelque chose de tout à fait spécial se passe ici, pourquoi ne pas choisir d'être là où Dieu se manifeste? Pourquoi ne pas y participer? Pourquoi ne pas être aussi parmi ceux qui voient ces merveilles de Dieu? Parce qu'il y en a, il y en a tellement. Et j'ai ici un calendrier que vous pouvez demander à Pasteur Claudette. Un calendrier de 12 pages. Et il contient plus de 12 miracles que le Seigneur a fait. Ce sont des photos des personnes qui ont été guéries. Ce calendrier a été fait par Pasteur Claudette. Et vous pouvez l'avoir en PDF. Il existe même plusieurs livres que vous pouvez lui demander. Elle a un numéro WhatsApp. Plus 2, 5, 4, 7, 7, 1, 2, 3, 7, 4, 2, 5. Par PDF, vous pouvez obtenir les livres qu'elle a fait sur les miracles nombreux que Dieu a fait. Elle parle même de plusieurs miracles sur une page, mais bien sûr, ça n'est pas complet. Alors, il y a le livre que vous pouvez lui demander. Je vous donne encore ce numéro de téléphone si vous n'avez pas eu le temps de le copier. Plus 2, 5, 4, 7, 7, 1, 2, 3, 7, 4, 2, 5. Vous pouvez même les imprimer et les distribuer. Et ça peut être quelque chose qui peut parler autour de vous. Vous pouvez leur dire vraiment, photo à l'appui. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà, elle a un numéro WhatsApp. C'est le numéro plus 254 771 237 425. C'est le numéro de Pasteur Claudette qui réunit ses photos et elle met un commentaire en français. Alors, si vous voulez voir un peu plus des miracles que le Seigneur fait, vous pouvez lui mettre un petit message pour qu'elle vous envoie ce livre ou ces livres par PDF. J'ai sous les yeux, justement, dans un calendrier qu'elle a fait en 2017, parce qu'elle en fait un chaque année, il y a là la photo d'une fillette d'une dizaine d'années et c'est marqué « un facteur rhésus » négatif changé en positif. Alors cette fillette de 10 ans en 2016, elle avait un rhésus négatif qui a été vu comme négatif en 2006 et là en 2016, 10 ans plus tard, donc je pense que le premier c'était à peu près à la naissance, et bien 10 ans plus tard, on trouve que ce rhésus A positif. Elle avait un rhésus A négatif qui devient un rhésus A positif. Et elle n'est pas le seul cas, parce que des personnes, des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants à cause de leur rhésus sanguin à celui du mari, Eh bien, le Jésus a changé. On voit ces femmes maintenant, il y a des photos de ces femmes avec un bébé dans les bras. Parce que le Dieu Tout-Puissant a changé leur Jésus sanguin. Il y a aussi le cas de deux jumeaux. Et ça, ce sont les miracles de 2017. Eh bien, ces deux jumeaux, ils n'arrivaient pas à marcher. On devait leur mettre des formes très douloureuses en plus. Et on peut voir maintenant leur photo debout, marchant normalement. Ils marchent sans soutien, sans béquille, sans canne. Ces deux petits qui sont encore très jeunes. Ils ont l'air d'avoir 4 ou 5 ans. Et là, dans ces réunions, c'est toujours une grande occasion pour que les gens reviennent au Seigneur, pour que les gens consacrent leur vie au Seigneur pendant qu'ils sont là. Et souvent, toute l'assemblée ensemble, nous donnons à nouveau notre vie au Seigneur. C'est un moment merveilleux, avec une foule si nombreuse qui se donne à nouveau à son roi. Vous avez aussi, sur ce même calendrier, qui date pourtant de 2017, il y a les visions de l'homme de Dieu, du prophète le plus puissant. Il a vu, et il était à Paris ce jour-là, quand devant lui tombe un billet. Et sur ce billet, c'était écrit « Je viens », et en dessous, de nouveau « Je viens », et encore en dessous « Je viens ». Et ensuite, « Dit le Seigneur ». Il était à Paris quand ceci est arrivé. C'était en 2009 que le Seigneur a annoncé déjà sa venue. De toute manière, elle est annoncée depuis 2000 ans, cette venue. Mais maintenant, nous savons que le temps est proche. Et il y a l'horloge, l'horloge d'or. L'homme de Dieu a vu dans le ciel une horloge qui indiquait 11h59, plus qu'une minute. Avant minuit, il reste une minute avant minuit. Voyez, ce retour est très proche. Bien sûr, nous ne savons pas quelle est la longueur de cette minute, combien d'années ça représente, mais ça, c'était en 2007. Ça veut dire que la minute est encore plus courte maintenant. Cette minute qui a duré 12 ans maintenant, est-ce qu'elle va durer encore plus? Nous ne savons pas. Nul ne sait. Nul ne connaît. Ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur. Et en 2006, l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, qui bien sûr lit l'Apocalypse, a découvert qu'il y avait un cheval au ciel, un cheval glorieux, un cheval blanc au ciel, un cheval énorme qu'il a vu dans le ciel. C'était le 1er novembre 2006. Vous pouvez lire à propos de ce cheval blanc dans Apocalypse 19, depuis le verset 11. Il a une épée, le Seigneur Jésus. Et là, en novembre, on voit la date, 26 novembre 2006, c'est l'enlèvement des chrétiens. L'homme de Dieu a vu, cette nuit-là, il dormait à l'aéroport de Johannesburg, sur le sol, dans le bruit, là où les autres voyageurs passaient. Et Dieu lui donne ce rêve. Il a vu le cheval verdâtre de l'Apocalypse, que vous trouvez dans Apocalypse 6. Il est parlé du cheval qui s'appelle la mort, un cheval pour le jugement. Et aussi, Dieu l'a élevé au-dessus de la terre, et en regardant en bas, il a vu quelque chose qui lui a semblé être un tremblement de terre. Mais bien vite, il a réalisé qu'il s'agissait du mouvement de la terre, de la poussière. Et il a vu les morts sortir de leur tombe. Les chrétiens fidèles, déjà morts, il les a vus avec un corps glorieux, un vêtement glorieux. Il les a vus monter au ciel. Et le 15 juillet 2017, plus de 10 ans après, il a pu voir les chrétiens vivants montés au ciel, qui ont été enlevés en un instant, comme il est dit dans la parole, mais il était lui, l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, il était dans les airs, et il a vu les chrétiens passer devant lui. Même ils ont tourné à droite, et certains étaient avec leurs enfants. Il les a vus là, dans le ciel, passer devant lui. Et ensuite, il a vu la nuée, plus loin, et un escalier. Et il a vu ces chrétiens parce qu'ils ne voyaient pas leurs pieds, ils avaient des habits très longs, mais quand ils montaient l'escalier, ils pouvaient voir leurs pieds. Ils montaient l'escalier avant d'entrer dans le ciel. Et cet escalier, figurez-vous, Un peu plus d'une année après, cet escalier est apparu dans le ciel. Plusieurs l'ont pris en photo. Vous pouvez voir certainement sur le livre de Pasteur Claudette, vous allez voir la photo de cet escalier dans le ciel. Et Dieu a promis qu'il ne serait pas enlevé avant l'enlèvement de l'Église. Donc cet escalier nous attend. Cet escalier que nous allons franchir avant d'entrer dans les cieux. Et je feuillette encore ce calendrier que j'ai gardé parce que ces photos sont précieuses, parce que je le consulte encore. On voit ici un homme qui avait une énorme tumeur au cou. Et cet homme a été complètement délivré de sa tumeur. C'était un cancer de la gorge. Et ce cancer avait enflé au point qu'il avait une énorme bosse au cou. Une polykystique des reins. Une maladie, une polykystique des reins. Quelqu'un, c'est un enfant qui peut avoir une douzaine d'années. Il a un énorme ventre. Ici, on parle d'une polykystique, beaucoup de kystes dans ses reins. Et cet énorme ventre a disparu. Il y a la photo d'après la guérison où ce petit garçon a un ventre complètement plat. Cet énorme ventre qui aurait pu contenir un bébé maintenant a disparu. Et ensuite, c'est une mâchoire. Un bébé qui n'arrivait même pas à prendre de la nourriture. La mère devait le nourrir même avec une seringue. Il avait un énorme bec de lièvre et même pas de vraie mâchoire supérieure. Et on voit ce miracle, cette opération tout à fait exceptionnelle, sans marque de fil, où cette mâchoire est complètement réparée. Combien le Seigneur est bon! On voit cette lèvre supérieure qui était ouverte, qui maintenant est entièrement fermée. Et il y a quelqu'un ici qui avait des plaies chroniques. Son visage est couvert de pustules, de plaies, même le cou. Et 2 mois après, une autre photo la montre tout à fait nette, avec un magnifique sourire. Oh, qu'est-ce que ça devait être terrible d'être couverte de plaies. Dans le visage, au cou, que tout le monde pouvait voir. Il y a même ici un musée où on a entassé les chaises roulantes abandonnées. On a entassé les béquilles, les appareils pour se tenir debout, et beaucoup de béquilles métalliques, de simples bâtons qu'ils ont abandonnés parce que maintenant ils peuvent marcher normalement. Il y a même dans ce musée les détritus, les sacs de détritus des personnes dérangées qui sont venues au Seigneur et qui ont abandonné leurs poubelles. Ici, il y a une page du calendrier qui est couverte de 1, 2, et là, tous ces infirmes qui ont marché. Alors on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 photos différentes. Mais si on les comptait tous, il y en aurait 1000 et peut-être plus de 1000. Et le sida. Tellement de sida ont été guéris. Plus de 50 sida qui ont été guéris. Des sida qui étaient même dans une phase terminale. Ils sont guéris. On a les dossiers à l'appui. Ces personnes ont 2 dossiers. Le dossier qui disait qu'elles avaient le sida et le dossier qui dit qu'elles sont négatives maintenant. Combien c'est béni d'être guéri comme ça par le Seigneur, gratuitement, sans médicaments. Ils peuvent laisser leurs médicaments maintenant. Et un homme, une photo qui est vraiment, qui parle, parce que ce qu'il avait pour soutenir sa tête est vraiment visible. Hein. C'est presque une armure qu'il a sur sa tête. Et maintenant, le Seigneur l'a complètement rétabli. Il tient sa tête sans un support. Voilà, tous ces boiteux qui ne pouvaient pas marcher sans un support, eh bien, quelquefois, ils sont un peu gauches, mais ils marchent sans aucun appui. Ils peuvent marcher maintenant, sans avoir une canne, sans avoir un support pour les aider. Il y a une page du calendrier qui a été consacrée à cette petite Chaline. Chaline, on n'a même pas marqué son nom, mais cette petite Chaline était couverte de lèpre. À sa naissance, la mère a vu cette peau complètement ratatinée, complètement recouverte de lèpre. Déjà à la naissance, ce bébé, le docteur a pensé que tout ça allait disparaître de sa peau, mais non. Et c'était si douloureux quand on voulait la laver. En plus, elle sentait très mauvais, au point qu'un conducteur de moto, parce que là, les taxis, c'est souvent des motos, eh bien, il a dit, je veux plus jamais prendre cette petite, elle sent trop mauvais, même qu'elle était derrière lui. Mais, en effet, cette lèpre faisait qu'elle avait une très mauvaise odeur. Et ce n'est même pas les parents qui sont venus l'amener lors d'un de ces rassemblements. C'est une voisine, une amie, qui a pris cette petite, qui n'a pas regardé à cette odeur. Eh bien, cette petite couverte, on voit cette photo où elle est complètement... Elle n'a pas une peau normale. C'est une peau épaisse d'abord, très épaisse et sèche. Et elle souffrait tellement, cette petite. Et les parents, même devant elle, ont dit, mais on va la jeter à la rivière. Pas me tuer, elle leur disait. Et maintenant, on voit cette petite tout à fait avec un corps sain. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le sang de Jésus a été là pour guérir merveilleusement la lèpre de Chaline. On voit ici, sur la page que j'ai tournée, un dérangé mental. Il y a aussi une page complète pour le montrer avant qu'il se donne au Seigneur et maintenant qu'il a un complet veston, une cravate et dans son bon sens. Maintenant, une page de ce calendrier est consacrée aux signes que le Seigneur donne. Et si vous pouvez consulter le site internet et l'adresse, je vous la donne. Le site internet en français, c'est www.repente-prépare-le-chemin.org. Repente et prépare le chemin. En un mot, ici, sur cette page du mois de juin 2017, Pasteur Claudette a mis les miracles que le Seigneur fait dans le ciel, comme la nuée de Moïse qui arrive sur l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur. Un autre, c'est un ray de lumière, ou bien le feu qui descend du ciel et on le voit descendre. Ici, c'est une nuée de gloire épaisse et sombre qui arrive sur toute l'assemblée. Et aussi, il y a eu une vision d'une épée, l'épée de Dieu qui est descendue sur le rassemblement. On voit l'image d'une épée flamboyante qui est descendue sur le rassemblement. Et l'épée, c'est pour le jugement. Parce que si nous choisissons d'être les ennemis de Dieu, et ici, on peut le voir ici au Kenya, il y a énormément de cancers parce que certaines personnes choisissent de diffamer l'homme de Dieu au lieu de se ranger à ses pieds, de se ranger derrière lui pour être conduit dans le paradis de Dieu, ils choisissent de le diffamer et ils accumulent un jugement sur eux. Plusieurs ont le cancer dans tout le pays. Le ciel a obéi à l'homme de Dieu et on voit que le ciel s'est ouvert et qu'il libère la pluie. Et une fois, c'était dans une grosse période de sécheresse. Il faisait très sec et devant tout le monde, l'homme de Dieu a demandé la pluie et la pluie est venue. Et là, il l'a fait à plusieurs reprises, comme Élie. Élie, quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 18, vous pouvez lire que Élie a fait venir la pluie alors qu'il y avait eu 3 ans et demi de sécheresse. Et le jour où le ciel a obéi à l'homme de Dieu et qu'il a libéré la pluie. Alors, si vous, parce que qu'est-ce qui vous empêche de venir? Qu'est-ce qui vous empêche de participer à ce tsunami? Ce tsunami de Dieu où la terre va trembler, où il y aura des chocs. On va vivre quelque chose de très grand parce que Dieu va nous visiter. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Alors décidez-vous, parce que les mages, eux, ils se sont décidés. Non seulement ils se sont décidés, c'est tout gratuit. Vous venez, vous prenez votre avion, vous pouvez bien sûr vous inscrire et vous choisissez votre hôtel et vous venez parce que le Seigneur veut vous bénir. Il veut vous parler à travers son prophète. ouvrez votre cœur, ouvrez votre vie, parce que, peut-être pour vous, c'est le chemin étroit qui est le seul qui conduit au royaume de Dieu, qui s'ouvre devant vous. N'hésitez pas à venir à ce grand Dieu des cieux, ce Dieu merveilleux, parce que Menengai 3, c'est 3 jours, 3 jours de miracles. Vous allez voir chaque jour plusieurs miracles. On vous les annoncera. Vous allez voir ces infirmes se lever et marcher. Vous allez voir des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des muets qui parlent, des dérangés mentaux qui vont être guéris. L'homme de Dieu l'a prédit. Il nous l'a dit de la part du Dieu vivant, parce que le Dieu puissant des cieux sans cesse le transporte dans sa salle du trône. L'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, a pu voir dans les cieux cette arche de l'alliance spirituelle. Il a même pu voir l'intérieur où est la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a pu même voir l'arbre de vie. Il a vu la main du Dieu Tout-Puissant cueillir des feuilles de l'arbre de vie pour les mettre dans sa main. Ô prophète le plus puissant du Seigneur, il a reçu des feuilles de la main de Dieu et Dieu lui a dit, ce sont pour la guérison des nations. Il a reçu des feuilles pour la guérison et maintenant il y a encore des guérisons qui se font parce que au dernier rassemblement, quand nous étions rassemblés le dimanche 28 juillet 2019, il y a une dizaine de jours, nous étions à Nairobi pour un service religieux avec l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, qui prêchait. Il a dit, le Seigneur, dès maintenant, commencera à vous guérir. Et immédiatement, des oreilles sourdes se sont ouvertes. Une énorme tumeur, comme nous l'avons vu hier, une énorme tumeur a disparu. Et maintenant, c'est Nelly. Elle dit qu'elle a terriblement souffert de sa condition. Nelly avait une perte de sang. Et cette perte était avec une très mauvaise odeur et tellement abondante au point qu'elle pensait à un robinet ouvert. Elle est venue, cette personne, parce qu'elle voulait être guérie. Elle est venue à l'église et l'homme de Dieu l'a vue la nuit précédente. Elle explique comment c'est arrivé. Elle explique qu'elle a fait une fausse couche et depuis, elle s'est mise à saigner et elle souffrait tellement. Du sang, non seulement elle saignait, mais ça sentait mauvais. Elle restait chez elle. Elle avait honte. Oui, elle avait honte de sa condition. Même ses enfants pouvaient voir qu'elle saignait. Même ses pieds, quelquefois, étaient mouillés de sang. Ça coulait comme un robinet. Elle a senti une main qui touchait son épaule. J'ai demandé au Dieu du prophète le plus puissant, parce que j'ai entendu que vous guérissez les gens. C'est quand elle a senti une brise froide. Elle se demandait s'il pleuvait, là, à l'intérieur. Et ensuite, elle a senti la main physique de Dieu toucher son épaule. Elle s'est tournée parce qu'elle a pensé que peut-être c'était un enfant qui la touchait par derrière. Elle n'a personne vu. Et elle a réalisé dans son cœur que ce n'était pas une main humaine qui la touchait. C'est très puissant quand vous réalisez que ce n'est pas une main humaine qui vous touche. Précieux auditeur, c'est merveilleux, c'est une merveille, c'est très grand, c'est un très grand prodige. Peuple bien-aimé, un miracle historique. Précieux auditeur, le Dieu du prophète le plus puissant, le Dieu du prophète le plus puissant a réalisé un très grand miracle. Le Dieu des deux redoutables prophètes de Jéhovah Yahvé, il a réalisé un très très grand miracle. C'est étonnant, c'est historique, l'onction massive de Dieu sur les deux prophètes les plus redoutables de Yahvé. C'est très grand. Et voilà le prophète qui parle. Il est intervenu à la radio pour parler et il a dit « La nuit, dans un rêve, le Seigneur m'a fait savoir ce qu'elle ressentait quand elle est entrée dans la maison du Seigneur et ce qu'elle pensait. » Et elle a dit en elle-même « J'entre ici mais je ne suis même pas propre. J'entre ici, mais je saigne. Je ne suis même pas propre. » Le Seigneur m'a fait savoir ce qu'elle pensait. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Comme elle entrait dans l'église, et elle a dit, « Vois, j'entre ici, mais je ne suis même pas pure. » Et ensuite, j'ai partagé, l'homme de Dieu parle toujours. Il a dit, « J'ai partagé avec évêque Macharia et avec l'équipe qui est au bureau, ici. J'ai demandé, « Maintenant, cette dame est entrée dans l'église. Elle est entrée dans la sainte maison du Seigneur. Mais elle n'est pas propre. C'est un moment extraordinaire. Les miracles ont éclaté. Les miracles ont éclaté. Le Seigneur va rendre son peuple libre. » Elle s'est dit à elle-même, « J'entre maintenant dans la sainte maison du Seigneur. Mais je ne suis même pas propre. Je ne suis pas pure. » Le Seigneur m'a montré cela dans la nuit, donc à l'homme de Dieu, au prophète le plus puissant. Profondément dans la nuit, cette nuit passée, même comment il allait la visiter d'une manière très extraordinaire et la rendre libre, et beaucoup, beaucoup d'autres qui seront libérés parce que c'est l'heure de la gloire du Seigneur. Il descend restaurer l'Église. C'est un moment extraordinaire. Je célèbre, c'est l'homme de Dieu qui le dit. Je célèbre avec l'Église. Je célèbre avec l'Église au Kenya. Et ça va être un moment historique, comme jamais vu auparavant. Et après cela, le Seigneur m'a aussi montré comment la maison formidable du Seigneur, la maison sainte du Seigneur, la maison restaurée du Seigneur est magnifique. L'Église magnifique qu'il restaure juste maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, ma fille, parce qu'il parle directement à cette dame qui parlait à la radio. Ma fille qui est guérie et tous ceux qui sont guéris, la tumeur qui a été dissoute hier, dure comme une pierre, mais qui s'est déversée comme un porridge maintenant. Beaucoup, beaucoup de guérisons auront lieu. Ça va être la visitation la plus historique depuis que l'Église a été créée. Et ceci va faire taire tous les faux prophètes, les faux apôtres et restaurer la maison du Seigneur. L'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, a vu la maison magnifique du Seigneur qui est glorieuse et restaurée et sainte. Aussi, que le Seigneur vous bénisse comme vous célébrez la visitation de Jéhovah, votre Dieu. Le Messie vient, l'Église doit être sainte, doit être droite, doit être sainte et juste. Maintenant, ce rassemblement du 16 août, plus exactement des 16, 17 et 18 août de cette année, dans moins de 10 jours, l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, dit que ça va être l'événement le plus grand, le plus historique depuis que l'Église a été créée. Le prophète le plus puissant dit encore à propos de cette personne qu'il a vue pendant la nuit. Il l'a vue entrer dans l'Église et dire en elle-même, « Je ne suis pas propre. » Il l'a vue et voyez ce qu'il dit encore. Dans cette conversation, hier, pendant la nuit, lorsque le Seigneur m'a montré cette fille bénie de Jéhovah, la fille du Seigneur, elle entrait à l'église, elle entrait dans la maison du Seigneur, et elle se disait en elle-même, j'ai su ce qu'elle se disait en elle-même alors qu'elle entrait, dit le prophète. Elle se disait, j'entre là, mais je ne suis pas propre. Et je savais qu'elle saignait, elle saignait. J'entre là, j'entre dans la maison du Seigneur, mais je ne suis pas propre, je ne suis pas propre. C'est ce qu'elle se disait alors qu'elle entrait là. Et le Seigneur m'a montré le moment où il toucherait cette merveilleuse fille du Seigneur. À nouveau, elle entrait là, mais elle se disait, j'entre dans la sainte maison du Seigneur, mais je ne suis pas propre. J'entre, mais je ne suis pas propre. Connaissant cela, je savais qu'elle saignait abondamment et c'est un temps extraordinaire où le Seigneur a choisi de visiter son peuple. Et ce qui se passe là prépare Menengai 3, qui a déjà été annoncé par les cieux, le méga super glorieux service de guérison qui ait jamais été vu depuis que l'Église a été créée. Ceci va secouer tout l'univers. Ça va choquer la Terre. Ce qui va arriver à Menengai 3. Vous avez vu vous-même ce qui est arrivé à Yahya Kilimani lorsque, soudainement, le Seigneur a amené son serviteur à Yahya Kilimani, à Nairobi, et une méga visitation a touché la face de la terre, la face de l'univers. Dieu le Père lui-même est descendu. Aussi, vous pouvez imaginer la visitation de Dieu le Père, la visitation qui aura lieu à Menengai 3. Parce que les tumeurs se dissolvent déjà, les oreilles s'ouvrent, les pertes de sang s'arrêtent, et le Seigneur va faire des choses formidables. Même avant ces jours, il va choquer l'Église et les menteurs de l'Église. Tous ces menteurs que vous voyez récolter de l'argent autour d'eux et qui mentent à l'Église. Oh, la guérison, ceux qui mentent. Et qu'avez-vous? Et ayant des comportements injustes, ils vont maintenant avoir honte parce que la visitation qui vient à Menengai 3 va être quelque chose qui secoue. Ça va être une nouvelle visitation, une onction plus fraîche, la plus fraîche depuis que l'Église a été créée. Maintenant, vous imaginez plusieurs jours à l'avance. Maintenant, la visitation a commencé dans le pays, a commencé dans l'Église. Et le Seigneur Tout-Puissant fait un appel sérieux à la repentance dans la préparation du chemin pour la glorieuse venue du Messie. Donc ce sont les jours que nous vivons, ce sont les moments puissants de cette heure. Et le Seigneur réclame l'attention de tout homme pour Jésus-Christ le Messie, pour la croix de Jésus au calvaire et pour le sang de Jésus au calvaire. Et c'est le moment aussi où le Seigneur va passer ses ennemis par l'épée. L'homme de Dieu a vu le Seigneur tuer ses ennemis par l'épée. Donc, ceux qui sont ennemis du Seigneur, attention maintenant. Attention maintenant. J'ai vu le Seigneur venir pour vous d'une manière formidable que vous puissiez craindre ces deux prophètes redoutables une fois pour toutes. Vous serez un exemple dans le pays. Une fois que le Seigneur vous aura frappé, vous serez un exemple formidable sur la face de la terre. Les ennemis de Dieu, attention, je suis venu restaurer l'Église. L'épée va vous attendre de cet autre côté. Je l'ai vu et c'est très effrayant, c'est très redoutable en cette heure. La visitation à son propre peuple, à ses propres élus. Peuple bien-aimé, ça va être stupéfiant. Ça va être choquant. Il va mettre une nouvelle vie sur l'Église. Et donc, c'est un temps impressionnant pour se préparer pour la venue du Messie. Le prophète le plus puissant célèbre avec nous. Célèbre cette précieuse fille de Jéhovah. Il fête avec son fils dont la grosse tumeur s'est dissoute. Les oreilles sourdes qui se sont ouvertes à Kisumu. Toutes les tumeurs qui se sont dissoutes. La perte de sang depuis qui gênait depuis 2000 qui s'arrête maintenant. Et les oreilles sourdes sont ouvertes avec ce tsunami massif. Le grand méga tsunami de Dieu. Le super formidable tsunami de l'onction de Dieu, de la visitation qui se dirige vers Menengai 3. Ce tsunami vient, vous pouvez déjà voir la tempête qui commence, ça va vraiment secouer sur la face de la terre. Le Messie vient, c'est le jour pour célébrer la bonté de la croix, c'est le temps de retourner à la droiture, de retourner à la sanctification, que le Messie puisse trouver une épouse sainte. Ce sont des jours impressionnants. Mais j'ai dit, les ennemis de Dieu qui ont été ennemis de Dieu, maintenant, attention maintenant, Dieu fait disparaître ses ennemis d'une manière choquante dans le pays. C'est une chose effrayante que j'ai vue. Mais pour les enfants de Dieu, quel temps impressionnant! Votre Dieu est venu pour votre délivrance. Il vient vous délivrer avec justice, dans la sainteté, dans la justice, dans le pouvoir, dans la gloire. Que les enfants du Seigneur, que le peuple du Seigneur ceux qui sont sous l'élection de Jéhovah puissent célébrer les bontés du Seigneur et se préparent pour l'événement qui vient. Et si vous voulez passer des ténèbres à la lumière, vous pouvez répéter avec moi la prière après le chant d'adoration. Et tu t'emmènes, j'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom, tu mérites la gloire. Et tout honneur, j'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais le si grand miracle, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus, n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés passés, pour les péchés sexuels, pour la méchanceté. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi. Amen. Et surtout, si vous voulez marcher avec Dieu, prenez le baptême, obéissez et descendez dans les eaux du baptême, complètement dans l'eau, pour laisser votre vie ancienne au fond de l'eau et ressusciter avec Jésus. Précieux auditeurs, je vous invite encore à vous décider à venir participer avec nous à Nakuru, à Menengai 3, pour profiter vous aussi de cette merveilleuse présence du Seigneur. C'est encore temps, il y a encore 8 jours. Je m'appelle Pasteur Yvonne Auguet et je vous remercie d'être resté avec nous pour ce programme. Je veux être à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être ton salon et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être